Les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Selon votre âge, vous avez pu la découvrir grâce à ses fabulettes, ou beaucoup plus tôt grâce à sa chanson « Mon mari est parti » ou à celle-ci « Non, tu n'as pas de nom » Anne Sylvestre. Sur scène, elle chante ses chansons, c'est assez logique, campagnarde, libertine, drôle, féministe, mais jamais les fabulettes. Pourquoi ? Allez savoir. Au cours des 5 émissions d'À voix nue, proposées par Hélène Azéra en 2002 sur France Culture, ce ne sera pas la seule question ou la seule réponse ou la seule histoire qui parviendra à vos oreilles. Cette nuit, l'enfance, les débuts dans la chanson, au cabaret, et les chemins des mots. L'enfance, oui, tout ne fut pas rose. En tout cas l'adolescence, adolescence d'enfer, dit Anne Sylvestre. France Culture. Premier à voix nue, Anne Sylvestre, Hélène Azéra, la chanteuse, auteure et compositrice, évoque son enfance, un moment essentiel et douloureux. J'ai souvent répondu quand on me demandait quelle avait été mon enfance, j'ai pu répondre que j'ai eu une enfance heureuse. Et pourtant, c'était au milieu de pas mal de tribulations. Mais déjà, ma naissance a été heureuse parce que j'arrivais après 2 garçons. Et que donc, j'étais accueillie comme une princesse. Mes parents désiraient vraiment une fille. À l'époque, on ne savait pas avant ce qu'on allait gagner, quel allait être le cadeau, et puis bon, c'était moi, et j'ai été vraiment très très bien accueillie, aussi bien par ma mère évidemment que par mon père. Ça ne s'est pas démenti par la suite. Bon, j'étais une petite fille protégée finalement, une petite fille à jardin, une petite fille à balançoire, à petite robe en Vichy avec la petite culotte pareille en dessous. Il y avait voilà, une grande maison avec un jardin, les frères, tout ça était très classique. L'aîné me défendait et l'autre, le deuxième, me martyrisait. L'équilibre était là. Et puis, je rêvais beaucoup. Je me souviens, c'est drôle parce qu'il y a comme ça des souvenirs qui émergent. Je me souviens que j'avais un livre, même avant de savoir lire, j'avais un livre relié en toile bleue pâle, qui était, je crois, des contes, ça devait être les contes de Perrault ou d'Anderson. Et puis, je faisais sécher des fleurs dedans. Et je me balançais avec mon livre, alors que je savais absolument pas lire. Et puis, c'est-à-dire que j'ai réussi à avoir, oui, une petite enfance, normal quoi, avec des jeux, avec une école maternelle, avec des leçons de piano très très tôt. Sauf votre que votre mère est musicienne. Maman était musicienne, oui, elle jouait du piano, elle avait fait du chant. Sauf que le père n'était pas souvent là, et puis que maman l'attendait des fois. Comme ça, longtemps, et j'ai gagné d'elle, je crois, cette faculté d'attendre et de ne faire que ça. Enfin, l'attente étant une occupation à part entière. Bon, je pense qu'elle était très très angoissée. Il y avait Juliette, voilà, qui était la deuxième mère, et c'était souvent sur ses genoux que j'attendais aussi quand maman était ailleurs. Bon, elle me chantait. Tout va très bien, Madame la Marquise. Enfin bon, tout le répertoire de Réventura. Et puis, plein de choses. Elle avait des dictons sans arrêt qui me reviennent aussi toujours au très bon moment. Et simplement, voilà, il y avait cette espèce d'angoisse qui pesait puisque mon père, donc, faisait de la politique. Votre sœur a raconté un peu votre histoire familiale les Marichets, les Lauriers du Lac de Constance. Alors curieusement, c'est votre sœur qui n'a pas vécu cette histoire qu'il a racontée. Oui, ma sœur, qui est devenue Marichex en écriture. Bon, c'est une enfant de la guerre. Elle est née, elle, pendant la guerre, avec même toutes les carences que les enfants, à l'époque, avaient. Enfin, ils poussaient avec ce que leur mère pouvait leur donner à manger. Ça manquait beaucoup de vitamines, ça manquait beaucoup d'un tas de choses. Mais elle n'a pas... c'est ça, elle était trop petite pour vivre les événements comme nous les avons vécus, mes frères et moi. L'histoire que donc votre sœur raconte, c'est que votre père est ingénieur, il ne supporte pas le climat des grèves de 36 et il bascule dans le fascisme et devient lieutenant de Doriot. De Doriot, c'est ça. Je pense que il aurait pu très bien basculer de l'autre côté et il a basculé de ce côté-ci. Mon père n'était pas un assoiffé de pouvoir, je pense. Lui, c'était un idéaliste et c'était un homme qui un homme qui en a suivi un autre. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours considéré que faire de la politique, enfin bon, ça c'est... oui, c'est ça, faire de la politique, c'est suivre quelqu'un. C'est épouser les idées et les convictions de quelqu'un, très souvent. C'est peut-être une chose qu'on dira après, mais moi, ce que j'en ai compris pour vous de cette histoire, c'est que jamais vous n'allez suivre quelqu'un, jamais vous n'allez être embrigadé quelque part. Vous êtes vraiment vacciné, très très fort. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas une politique, non, par exemple. Non, pas du tout. D'ailleurs, de cette situation-là et de tous les malheurs que nous avons eus dans la famille à cause de ça... j'en ai gardé non seulement un refus, mais une incompréhension totale. J'étais nulle en histoire et je suis nulle en histoire, même en tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire que je me fais expliquer les choses. Je comprends, hein, je vis les choses, mais je les ressens plus de façon... viscérale et de façon humaine que sur le plan des idées et de l'histoire. Il venait à la maison, Doriot, vous avez des souvenirs? Oui. Alors quel genre, pour une petite fille de 6 ou 7 ans Oserais-je dire que j'ai sauté sur ses genoux? J'avais, j'étais petite, non, même plus petite que ça. Bah, c'était un monsieur très impressionnant, il mesurait à peu près 2 mètres, il avait des... Il était très fort. Oui. Il avait des immenses pieds, des grandes mains, et bon, mais je veux dire que c'était... Moi, je dessinais des cocardes, et des petits drapeaux PPH. J'imagine qu'on ne peut pas faire une carrière politique comme lui a pu faire, il faut quand même rappeler qu'il a été un grand député communiste avant de tourner au fasciste, sans avoir un espèce de capital de sympathie, de chaleur. Il avait beaucoup de charisme, et beaucoup de séduction. Je pense, mon père, il me semble, n'aurait pas suivi n'importe qui. Mais les idées, ça, moi, j'ai compris très, très longtemps. En fait, je pense que j'ai compris lorsque j'ai lu le livre de ma sœur. Parce que j'avais fait un blocage. Après la période de la guerre et la période du débarquement où justement mon père est parti en emmenant mon frère Jean, l'aîné, qui avait 18 ans. Après ça, mon père a fait 10 ans de prison. Jean avait disparu dans un bombardement. Inutile de dire que je l'attends toujours, puisque les gens qui disparaissent, on ne peut pas faire son deuil, on ne peut pas les pleurer, et on les attend. Lorsque mon père était... je manquais l'école une fois par semaine pour aller le voir à Fresnes. C'est des choses qui vous... Je pense que on se cuirassait là contre. Maman disait, mes filles, n'accrochez pas vos doigts après les grillages, vous n'êtes pas des singes. Et puis, on se tenait bien, on se tenait droit, on était... Tiens-toi droit. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai fait j'ai fait un rejet et un blocage total. Mon frère Paul, qui avait 50 plus que moi, lui aussi, il n'était pas question qu'on nous parle de tout ça. Et lorsque papa est sorti de prison, j'avoue que j'ai pas eu le courage de lui poser des questions. On était tellement contents de le retrouver. Alors, ça n'a pas été long, on n'en a pas profité longtemps. Peut-être que si ça avait duré, s'il avait vécu un peu plus, peut-être on aurait parlé. Dans la Bible, il y a une phrase que je trouve absolument terrible, mais haïssable, c'est « les parents ont mangé des raisins, les dents des fils en sont agacées ». Oui, mais c'est vrai ça. Je trouve que c'est monstrueux. Mais oui, c'est peut-être monstrueux, mais c'est comme ça. Oui, mais cette idée que les enfants doivent payer pour les fautes des parents, c'est inhumain. Chaque être humain se refait. Oui. Chaque être humain peut échapper aux malédictions familiales. Oui, bien sûr, mais malheureusement, tout le monde ne pense pas ça. Tout le monde ne pense pas ça. Il y a toujours des gens qui vous font payer d'être la fille de votre père. Cette période a été quand même extrêmement douloureuse et injuste pour beaucoup de gens. C'est certain que on a eu le temps et l'occasion de lire et de voir énormément de documents sur la déportation, sur cette période-là, sur les camps, sur les ghettos, etc. Je veux dire, je suis horrifiée. Je suis horrifiée depuis toujours. Je ne comprends pas, c'est tout. Je n'intègre pas ça. Ne me dites pas que quelque part vous vous sentez coupable, parce que vous y êtes pour rien. Non, je n'y suis pour rien. N'empêche que j'ai eu honte et j'ai encore un peu honte. J'ai encore honte. J'ai honte. Je n'osais pas le dire pendant très longtemps. Je n'osais pas. Et quand ma sœur a décidé d'écrire ce livre, elle m'a demandé pas mon autorisation, mais elle m'en a averti. Elle s'est servie des cahiers de notre père pour toute la partie historique. Évidemment, j'ai pas essayé de l'empêcher, mais j'étais terrorisée. J'étais très effrayée parce que je n'avais jamais parlé de ça jusque-là. Vous aviez peur de raviver un ostracisme que vous, qui vous avait beaucoup fait souffrir enfant. Mais oui, mais je enfant, je ne sais pas. Non, après, oui, à partir de 10 ans, quoi. À partir de 10 ans, entre 10 et 20 ans, c'était pas facile d'être la fille d'un collabo en prison et. Je crois maintenant, quand j'y pense de loin, je crois que même quand j'ai commencé à faire ce métier, il y a sûrement des gens qui m'ont freiné à cause de ça. Parce que il y a des choses qui ne se justifiaient pas. Je me demande peut-être maintenant je peux le comprendre. C'était à vif, c'était tellement douloureux. C'était les enfants des déportés, eux non plus, c'était pas leur faute. N'empêche qu'ils souffraient comme des chiens. Quoi. Je veux dire, c'était terrible. Ils souffrent encore. Ils souffrent encore. Donc voilà, tant qu'ils souffriront encore, je ne peux pas être indifférente et je ne peux pas dire ça me concerne pas, c'est pas mon histoire. Désolée, je suis la fille. Vous avez écrit une très belle chanson qui s'appelle Judith et Roméo, oui. Qui est sur ce thème. Oui. Mais oui, oui. Et puis j'ai écrit aussi l'autre qui est Le Pont du Nord, qui est sur les frères disparus. Puisque mon frère Jean est resté sous les bombes. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça, tout ça qui a été vécu, ça m'a donné... je ne dis pas, je ne regrette rien, mais ça m'a donné sans doute une compréhension, ça m'a donné peut-être plus d'empathie que je n'en aurais eu... Si j'avais eu une vie toute simple et protégée, c'est curieux parce que j'ai reçu il y a quelques jours la thèse de doctorat d'une amie qui est médecin et c'est une thèse qu'elle a faite. Son sujet c'est la résilience. Et elle est médecin scolaire et elle s'occupe plutôt d'enfants et d'adolescents. Et elle explique que ça, la résilience, c'est bon, c'est la résistance des métaux au choc, mais c'est aussi la faculté d'absorber les chocs et de rebondir et de résister. Et elle m'avait dit d'ailleurs, tu es un très bel exemple de résilience. Je pense que c'était ça où j'étais détruite complètement, où je devenais folle, ou je sais pas, n'importe quoi. Ou alors je continuais puis j'écrivais quoi. Peut-être que j'ai fait un choix comme ma sœur. On a fait un choix à un moment. C'était on va pas se laisser. Le personnage de votre mère est un personnage passionnant. Donc, elle est alsacienne, elle comprend l'allemand. Oui, elle parle couramment, bien sûr. Quand votre père l'emmène en Allemagne et l'emmène, oui, veut absolument qu'elle aille au discours de Hitler, elle a l'air beaucoup moins emballée. Oui, non, je crois qu'elle n'est pas très emballée, oui. Mais c'était difficile pour elle parce qu'en effet, c'était, elle avait été, c'était une partie de sa culture, bien sûr. Jusqu'à l'âge de 10 ans, elle a parlé allemand à l'école. Ensuite, on parlait français à la maison, mais on n'avait pas le droit de parler français dans la rue, sinon on était emmené au poste de police. De par son grand-père qui était saxon, elle avait aussi une partie de sa famille allemande. Des cousines, des tantes, etc., qui se sont retrouvées en Allemagne de l'Est après. Pour elle, c'était une position étrange, quoi, en porte-à-faux. Oui, surtout que Hitler voulait réannexer, et l'a fait d'ailleurs, réannexer oui. L'Alsace. Oui. On a l'impression qu'elle comprend que c'est pas bien, oui, et qu'elle est une femme, qu'elle ne peut rien dire. Le deuxième livre de ma sœur s'appelle « Les silences ou la vie d'une femme », et c'est ça. Maman, c'était ça, les silences. Je pense que mon père était aussi très traditionnel hein, dans sa façon de voir la famille. Bah, le monde d'Oriotiste, c'est un monde macho s'il en est un. Bien sûr, mais maman, je pense que quand elle s'est mariée, elle avait même pas la vingtaine, elle était toute jeune. Et puis comme elle était orpheline... Elle a été obligée de couper avec l'Alsace, puisque mon père l'a ramenée à l'intérieur, comme on disait. Et elle s'est retrouvée dans la région lyonnaise, puisque mon père était chez Ron Poulenc. Et je me souviens qu'elle nous racontait que lorsqu'elle a eu son premier enfant, Jean, elle a voulu qu'il soit bilingue, bien sûr. Et elle s'est mise à lui parler allemand. Et puis, les bonnes femmes des ingénieurs autour se sont mises à l'appeler la Boche. Alors, comme elle était très jeune et puis qu'elle était un petit peu timide, elle a arrêté. Ce qui fait que nous n'avons pas été bilingues. Alors, quand vous avez commencé à comprendre, parce que les enfants comprennent assez vite que la situation politique avait évolué de telle façon... que votre père avait mis votre famille en danger et s'était mis lui-même en danger. Oui, mais maman était de cette sorte de femme qui sauve le père aux yeux des enfants. Elle n'a jamais dit quelque chose contre lui, jamais. Donc... sauf après quelquefois, mais elle ne l'a jamais accablé à nos yeux, donc on l'aimait hein. Moi je trouvais ça injuste qu'il soit pas là, mais je ne savais pas. À partir de quelle époque vous avez compris que les carottes étaient cuites, que les alliés allaient gagner la guerre et que vous allez connaître des moments difficiles? Ah ben ça a été très brusque et très net. C'est la nuit, la fameuse nuit où on nous a réveillés. On habitait dans le 16e. On nous a réveillés, on nous a habillés, on a dit au revoir à papa, on a dit au revoir à Jean, qui sont descendus par l'escalier. J'aime pas regarder quelqu'un dans un escalier s'en aller, parce que, mon Dieu, j'ai regardé partir mon frère Jean tout au long des 6 étages, et puis je l'ai jamais revu. Et puis on a mis ma petite sœur dans sa poussette, on a pris quelques sacs. On m'a rien dit de spécial. J'ai pris quand même ma poupée préférée. Et puis on est parti à pied, on a traversé le bois de Boulogne. On est arrivé chez la sœur de maman qui habitait sur Rennes. Et puis on a habité là. Et je suis jamais retournée. Et ensuite l'appartement a été réquisitionné, pillé. Et j'ai perdu mes livres. Pour moi, mes livres c'était le trésor, ultime. Et j'ai passé des années à chercher chez les bouquinistes si j'allais pas retrouver mes livres. Et après, vous avez perdu votre frère qui est... Ah ben oui, bien sûr. La chose pire. Oui, mais c'était mon frère qui me donnait des livres. C'était mon frère qui me faisait lire. C'était lui qui m'apprenait à sauter du métro en marche. C'était lui qui m'emmenait au musée Rodin ou aux Invalides. C'était mon grand frère. Le dieu. Puis une fois qu'il a été parti, je me suis retrouvée avec mon autre frère, avec lequel j'ai été longtemps assez injuste, parce que c'est sûr que lui se retrouvait, il avait 15 ans, il perdait son inséparable, et son père en même temps. Enfin bon, il se retrouvait l'homme de la famille, pauvre Paul. Et puis il s'est mis à me persécuter, parce que c'était normal, quoi. Sur qui est-ce qu'il aurait retourné ses humeurs? C'est un peu le Zazou de la famille, il aime le jazz, il aime... Oui, il jouait de la clarinette. Mais bon, il m'a fait une adolescence d'enfer. Bon, et alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'écrivais. Bon, j'étais bonne en français, j'étais bonne en latin. Qu'est-ce que vous écriviez? Des poèmes absolument nuls. mais des choses sentimentales, des choses. Élégiaques. Mais ça ressemblait déjà. C'était pas des grands machins. Ça aurait pu ressembler à des chansons, en fait, je crois. Mais j'ai fait mes armes comme ça en écrivant. Et puis j'adorais les poètes, j'adorais Joachim du Bellay, j'adorais Apollinaire. C'était Marie-Noël. J'ai beaucoup, beaucoup... On a un peu oublié Marie-Noël, c'est vrai. Oh, quelle merveille. Pendant ce temps-là, je cousais. Mon cœur, qu'est-ce que tu faisais? Ah oui, qu'est-ce que tu disais? Ah, c'est superbe, enfin bon, c'est drôle de mettre... Mes poètes préférés, c'est Apollinaire et Marie-Noël. Bon, ça va pas ensemble, mais... Puis Racine, oh mon Dieu. Et donc... Je suppose, j'ai créé des petites choses comme ça pour moi, mais j'ai commencé... J'ai jamais été vraiment précoce. J'ai commencé vers les 17-18 ans. 18 ans, je pense qu'à 18 ans, on m'a prêté une guitare. Bon. Il y a un deuxième deuil qui arrive, qui est que vous perdez votre deuxième frère. Oui, ben mon frère Paul, nous a quitté brusquement. Il avait 30 ans. Bon, j'avais commencé à chanter depuis peu de temps. Et bon... Vous pensez qu'il est un peu victime de tout ce climat de non-dit, de culpabilité pour... Mais il était hyper tendu, il était malade, il avait une grave hypertension depuis l'enfance, et à l'époque ça ne se soignait pas, il n'y a pas des soins préventifs comme maintenant, et il... Bon, il vivait avec ça difficilement, et je me rends compte maintenant qu'il avait sûrement des migraines terribles et que ça devait beaucoup influer sur son caractère. Bon, quand j'étais adolescente, quand même, il m'emmenait. Il jouait de la clarinette, puis il m'emmenait écouter Albert Nicolas à la Huchette, enfin, ou de écouter du jazz. Ça nous liait, ça, le jazz. Puis il était, c'était un germanopratin. Il fréquentait les caves de Saint-Germain. Mais quand même pas beaucoup, parce que nous étions des banlieusards. Puis on n'avait pas beaucoup de sous non plus. Puis bon. Il est devenu ingénieur électronicien, mais pas par diplôme, mais comme ça, par la bande. Il était très fort. C'est le premier téléviseur que j'ai vu, c'est lui qui l'avait construit. Tout ça. J'ai vu la télé quand c'était tout petit et tout vert. C'est des petits carrés verts. Et bon, je pense que On s'est manqué parce que il s'est marié et puis on se voyait pas très souvent. Ensuite, moi, j'ai commencé aussi, j'ai quitté la maison et puis voilà, on s'est manqué. On allait commencer sans doute à se trouver. C'était À Voix Nue avec Anne Sylvestre d'Hélène Azéra. Équipe de réalisation, Alexandre Dang et Marie-France Thivault. Deuxième À Voix Nue, Anne Sylvestre, Hélène Azéra, la chanteuse, auteure et compositrice nous brosse un joli décor, celui de ses débuts dans les cabarets à chansons parisiens. La chanson. Bien, bizarrement, je n'ai écouté que du jazz pendant toute mon adolescence. Il n'y en a pas trace dans ce que j'ai écrit parce que bon, c'était pas sans doute pas ma façon de faire. Sinon, la chanson, ça a commencé alors avec la radio quand même là, parce que j'ai écouté un petit peu ce qui se passait. J'ai écouté Gréco, Les Enfants qui s'aiment, tout ça. Brassens, c'était Le Gorille, tout ça. Vous avez le souvenir de la première fois que vous avez écouté une chanson de Brassens? C'était à la radio, puis ça a été mon premier disque. Le premier disque que m'a offert mon frère, c'était Brassens, Le Gorille. C'était pour Noël, bien sûr, parce que on n'offrait pas des disques n'importe quand. Hein. Drôle de cadeau à faire à une jeune fille. Hein. Oh ben, on n'allait pas se gêner. Hein. Bon, ça c'était, j'écoutais, puis je m'asseyais quelquefois... dans le piano, mais j'avais arrêté d'apprendre le piano à 15 ans avec la grosse fatigue, la grosse paresse de l'adolescence. Tout d'un coup, je dis non, je veux plus. Bon, ce qui est dommage, je le regrette maintenant, mais tant pis. Mais simplement, je cherchais des accords comme ça sur le piano. Et puis un jour, on m'a prêté une guitare. Et j'ai commencé à gratter. Mais gratter trois accords, quoi, parce que évidemment j'ai pas pris de cours, parce que à Suresnes il n'y avait pas de prof de guitare et puis que j'avais pas de quoi me payer des cours de guitare, donc bon, j'étais étudiante à l'époque et c'était à Suresnes, ouais, mais je me souviens que j'ai entendu à la radio Nicole Louvier et vraiment ça a été quelque chose d'important pour moi, pas du tout comme inspiration ni comme quelqu'un à suivre ou quoi, mais c'était simplement qu'elle existe, que ce soit une fille d'à peu près mon âge qui écrivait des chansons, qui les chantait en s'accompagnant à la guitare et qui chantait à la radio et puis qui avait l'air d'en faire enfin, son métier, je ne sais pas, mais en tout cas de commencer à faire ça. Vous êtes allé la voir sur scène? Non, je ne l'ai pas vue sur vous scène. Vous avez acheté des disques? Oui, des petits 45 tours. Mon petit copain perdu. Oui, bien sûr, et Toile d'araignée, non. Alors, c'était vraiment superbe. Et puis, j'ai vu que c'était possible, mais comme ça. Et puis, j'avais cette guitare et je grattais quelques accords et je faisais j'ai écrit quelques petites choses comme ça, mais quand est-ce que vous avez commencé à chanter ces chansons, même devant des amis, votre frère? Oh ben, devant ma petite sœur dans la salle de bain, c'est une fois qu'on était à Paris, ça. Et ma famille, enfin mon père disait « Ah, va chercher ta guitare et chante-nous quelque chose. » Oh, mon Dieu, ça c'était affreux. Mais bon. Ensuite, non, mon premier semblant de public, ça a été l'école de voile des Glénans, où je suis allée faire des stages en Bretagne, et où j'avais emporté ma guitare, la première guitare que je me suis achetée, qui était une casserole effrayante. Et sur l'île de Drennec, dans l'archipel des Glénans, le soir à la veillée, je chantais des petites chansons que je n'ai d'ailleurs pas chantées par la suite. Mais de temps en temps, je rencontre... Vous chantiez les chansons des autres aussi ? Pas du tout. Non. Vous avez toujours chanté vos chansons ? Ah oui, je ne chantais pas les chansons des autres, non. Je rencontre de temps en temps un Glénanais, un ancien Glénanais ou une Glénanaise qui me chante un truc que j'ai absolument oublié ou je n'ai jamais chanté ensuite. Mais bon, ça a été une sorte d'encouragement. Vous vous souvenez de ces chansons-là, jamais enregistrées ? Oui, enfin vaguement. Par exemple ? Oh non. Je ne vais pas... Non, parce que bon, si je ne les ai pas données par la suite, c'est sans doute qu'elles n'en valaient pas la peine. Mais bon, les copains, c'est toujours très indulgent. Ouais, super, tu devrais. Bon. Et puis, dans tous ces copains, là, il y en avait un qui m'a donné l'adresse de la Colombe en me disant, tu devrais aller trouver Michel Valette et lui chanter ça, et puis tu verras bien. Et moi, j'ai hésité pendant un an à peu près. En continuant d'écrire de nouvelles chansons pendant ce temps-là. Oui, un petit peu, oui, c'est ça. J'ai hésité. Puis Et vous continuez les études, toujours ? Oui, les études de lettres, ouais. Et puis un jour, je me suis décidée quand même à aller voir Michel Valette. Puis l'après-midi, Valette m'a reçue, m'a fait chanter mes chansons. Mais au bout de trois, je me disais, je vais partir parce qu'il va me jeter dehors. Puis non, il m'a demandé de lui chanter tout ce que j'avais. Et puis il m'a dit, vous commencez la semaine prochaine. Le temps de vous écrire sur le programme, oui. Sur la nouvelle affiche. Il n'y avait pas d'affiche. Il n'y avait pas d'affiche à la Colombe. Les gens venaient voir des chanteurs, ils ne savaient pas qui. Ça, c'était un des principes de la Colombe. Mais la première fois que je suis allée donc, pour y chanter devant un public, mon père m'a accompagnée parce qu'il voulait voir ce que c'était que cette boîte, hein, bon, si c'était convenable. Ensuite, il est revenu très souvent, mais pour le plaisir, comme ça, pour voir. Et puis, ma guitare était tellement nulle, elle se désaccordait tellement que c'était Guy Béard qui m'a prêté la sienne ce soir-là, le premier soir. Racontez-moi la Colombe. Ah, la Colombe. Bien, c'était un petit restaurant charmant sur l'île de la Cité. C'était même pas rive gauche, c'était à l'ombre de Notre-Dame, la petite rue de la Colombe. Il y avait un étage, c'est-à-dire qu'il y avait le rez-de-chaussée et un étage, et au rez-de-chaussée ne passaient que des chanteurs à guitare, parce qu'ils n'avaient pas de scène. On chantait assis sur un tabouret, devant une espèce d'arche, comme ça. Enfin, comme ça, d'une arche. Puis on avait des gens à gauche et des gens à droite, et on chantait là. Et à l'étage, là, il y avait une petite estrade et un piano, donc il pouvait passer des gens qui ne s'accompagnaient pas à la guitare. Et c'était très bien. Le public était très intéressant. Il pouvait y avoir vraiment des gens qui étaient curieux de venir voir, éventuellement découvrir de nouvelles personnes. Et... Alors c'est curieux parce que donc dans le Paris, on est vers 1959, hein, si je. C'était fin 57, ça a fait 45 ans il y a quelques jours. Voilà, il y a deux jours, je pense. Ça fait 45 ans que j'ai commencé. Donc c'est un peu la dernière vague. De Saint-Germain-des-Prés. Ce n'est plus Saint-Germain-des-Prés, c'est autre chose. Saint-Germain-des-Prés, c'était avant, c'était Gréco, les frères Jacques, etc. Nicole Louvier. Oui. Non, nous, c'était... alors, qui est-ce qu'il y avait ? Il y avait des gens superbes. Il y avait Guy Béard, à qui j'ai dû aussi ma rencontre avec Jacques Canetti. Mais ça, on peut parler de Jacques Canetti un peu plus tard. Il y avait Hélène Martin, que j'admirais éperdument, et que j'admire toujours beaucoup, beaucoup, qui était un des piliers aussi. Bon, puis alors, Pierre Perret a fait ses débuts le même jour que moi à la Colombe. Il y avait Jean Ferrat aussi, mais il y avait aussi des gens comme Paul Barreau, qui faisait de magnifiques chansons. Il y avait une fanfare dans ma vie d'enfant, il y a une histoire, malheur d'à présent. Enfin, c'était super. Bon, il y a la Colombe, je suis passée, un de mes autres cabarets les plus importants, c'était le Cheval d'Or, par exemple. Je suis passée aussi à la Contrescarpe, je suis passée chez Moineau et au Port du Salut. Bon, mais on était les mêmes. On était toute une équipe de gens qui se croisaient. On allait de là, parce qu'il fallait faire à peu près 3 cabarets par soir si on voulait avoir de quoi manger. Hein, un seul, ça suffisait pas. Mais c'était un âge d'or. C'était, un âge d'or où on pouvait écouter plein de chanteurs un peu partout. Un âge d'or pour le public. Mais le public fortuné. Oui, le public, oui, qui pouvait aller. La Contrescarpe et le Cheval d'Or, c'était pas tellement cher. La Colombe, chez c'était un restaurant. C'était pas ruineux, vraiment. Non plus. La Colombe, c'était un restaurant, le Port du Salut aussi. Mais la Contrescarpe, le Cheval, c'était, je pense, pas très cher. Mais pour les chanteurs, c'était pas forcément facile. Et moi, je me souviens que. J'étais enceinte de ma fille c'était l'hiver. Alors je me souviens encore comment j'étais habillée, mon Dieu. J'avais une jupe noire, j'ai mis des petites ficelles sur les côtés, puis j'avais une espèce de grande chemise à carreaux. C'était ma tenue de scène, c'était quelque chose. Puis comme il faisait froid, alors j'avais un ciré, ce qui fait que je mettais 3 épaisseurs de pull, et puis le ciré. Et quand j'arrivais à la Contrescarpe, il fallait s'éplucher quoi avant d'aller chanter. Donc je m'étais dans un coin parce qu'il n'y avait pas de loge, bien sûr, il n'y avait pas de coulisses, rien. Alors j'enlevais le ciré, j'enlevais un pull, 2 pulls, 3 pulls. Les chaussures, elles souffraient quand même pas mal. Et c'est drôle parce que longtemps après, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit « Je me souviens de vous avoir vu à la Contrescarpe quand vous enleviez tous vos pulls. » C'était comme ça, quoi. Puis après, comme j'habitais en banlieue, j'allais aux autobus. C'était un bistrot qui se trouvait au Châtelet. J'allais aux autobus, attendre jusqu'à 4 heures du matin le train à Saint-Michel qui m'emmènerait dans ma banlieue. C'est dans ce milieu de la chanson des cabarets que vous rencontrez votre mari? Oui, les deux d'ailleurs. Le premier avec qui je ne suis pas restée longtemps, qui était pianiste à la Colombe, Marcel Lyonnais, et l'autre, Henri Drou, je l'ai rencontré au Cheval d'Or. Il était l'accompagnateur de Riss et Barrier. Il était aussi musicien de jazz, et puis ensuite il m'a accompagné pendant 25 ans. C'est dire que c'est plus qu'une famille que, vous êtes trouvée là. Oui, c'était. C'était toute ma vie était faite, se passait là-dedans. Ouais. Ensuite, après avoir fait mes armes au cabaret pendant un moment, c'est Guy Béard qui m'a présenté à Jacques Canetti. Mm-hmm. Et Jacques Canetti, donc directeur artistique de chez Philips. Et bon, on a. Comment on en a parlé avec beaucoup. Canetti? Eh bien, je lui dois beaucoup, parce que M. Canetti m'a fait confiance. Il m'a laissé faire ce que je voulais. Il m'a laissé écrire et chanter les chansons que je voulais. Il n'a pas essayé de m'infléchir ou de me canaliser. Et j'ai appris longtemps après que même il m'a maintenu chez Philips alors qu'on voulait me foutre dehors au bout de mon deuxième 45 tours. Il a dit non, elle reste. C'est vrai qu'il payait mal les artistes, ce qu'il faisait tourner, mais il les vendait cher. Donc évidemment, il se faisait un bénéfice entre le cachet qu'il versait et ce qu'il vendait, sauf que il ne nous bradait pas, il nous vendait cher, ça veut dire que pour notre standing, c'était bon. Non, mais je lui... Bon, ce qui est très drôle, c'est que la première fois que je suis allée auditionner devant Jacques Canetti, c'était aux Trois Baudets, mais c'était avant que je passe à la Colombe. J'étais allée juste comme ça passer une audition. Et il m'avait dit, vos textes, vos chansons sont bien. Vous êtes un auteur, mais vous ne serez jamais une interprète. Et je lui ai répondu, c'est ce qu'on va voir. Et ensuite, je le lui ai rappelé. Et il m'a dit, bon, mais vous aviez raison. La première chanson que vous enregistrez dit « Moi, je ne suis pas comme les autres ». Et c'est une chanson où, à la fin, on comprend que le personnage se jette à l'eau. Enfin, il y a de grandes chances que le... Ou pas. Ou hésite. Oui, oui. Oui. C'est assez drôle. Oui. Bah, c'était déjà l'eau. Hein. Déjà l'eau. Je suis très, très influencée par l'eau. Oui, puis il y avait porteuse d'eau là-dessus aussi. Bon, la terre colle à mes sabots. Bon, voilà, les sabots. Bon, moi, je pense que si j'ai subi une influence, ou si, enfin subi, ou si j'ai à démêler une influence, c'était celle de la chanson traditionnelle. Mm-hmm. Parce que j'ai beaucoup fréquenté la chanson traditionnelle. J'ai beaucoup chanté. Vous ouvriez des recueils, vous ? Oui, j'ai fait chanter les chorales. Bon. J'ai fait du scoutisme, hein, on va pas le, voilà, ça c'était. Il y a pas de honte à ça. Non, non, mais enfin bon, c'était parce que c'était. Vous aviez, allez, quel était votre nom? Ah non, non, non, non, je ne le dis pas. Ah si, on va Non, non, non, je ne le dis pas. Oh, non. Jamais, jamais. Non, non. C'est vrai? Jamais. À ce point-là? À ce point. Non. Mais on imagine le pire du coup. Non, c'était très joli, un joli petit animal. Mais bon, j'ai donc fait du scoutisme, mais j'ai fait chanter beaucoup, beaucoup, et j'ai fait chanter en chœur, j'ai chanté, j'ai fait des chorales, etc. Donc je suis, oui, c'est vrai que j'arrivais de là, et donc la construction couplet-refrain n'avait pas de secret pour moi, et je continue à penser que c'est une très une bonne structure, que c'est ça la chanson, en fait. Ça a duré quand même assez longtemps, les chansons, ça s'est chanté pendant des siècles. Mais comment dire? Parce que, bon, voilà, vous allez me remettre sur le tapis les sabots et les bergerades et les choses comme ça. Ça sera plus compliqué. Moi, je parlerai du style troubadour, un petit peu d'une résurgence du style troubadour de 1830, enfin que les romantiques avaient un petit peu mis en marche. Et puis surtout cette impression que le monde, l'enfance que vous avez eue a été telle que vous êtes créé un espèce de petit monde irréel de bergerie, de toile de Jouy, et avec même une espèce de recherche d'archaïsme dans l'écriture, voyez, ne saurait m'en défaire, n'aurions point, toutes ces choses-là, que maintenant, dont vous êtes débarrassé très vite, hein, il faut le dire. Et je crois, très vite, les critiques vous disent, bon, tout ça c'est très bien, mais regardez un petit peu autour de vous, vos histoires de sabots, on en a assez. Ouais. C'est pas ça. Je m'inscris en faux. Vous avez le droit de répondre. Parce que j'ai eu l'occasion d'y penser, mais c'est maintenant là que je vois. En fait, c'est une imagerie. Mais c'était pas parce que je me créais un monde à moi, un petit monde de bergerettes. C'est d'abord parce que, comme vous le disiez tout à l'heure de Nicole Louvier, j'étais très jeune. J'étais innocente tout en ayant quand même une maturité d'écriture, puisque j'ai écrit Porteuse d'eau et que maintenant je vois cette chanson-là et je ne changerai pas un mot ni une virgule. Je pense que c'était plutôt un écran. C'était un écran, c'était une façon de rendre acceptable d'être une fille, d'avoir 20 ans, de faire des chansons où je disais des choses assez non conventionnelles. Mais je ne pouvais pas les écrire. Je pense que je n'osais pas, j'étais timide aussi, j'étais réservée et je ne pouvais pas. Il y a certaines choses qui sont derrière ces écrans-là, que personne n'a jamais vu ou alors qu'on m'a pas vraiment signalé. Les sabots, les bergerettes, etc. C'était le décor. Enfin, c'était on va juste le retrouver chez Brassens, hein, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Il y a ce même petit monde villageois. Oui. C'est un peu le monde du tatis de jour de fête. Mais oui, mais aussi. Pourquoi non, mais c'est la France entre la 4e et la 5e République qui commence à avoir la nostalgie d'un monde rural qui est en train de disparaître. Oui, mais moi, c'est bon. Je pense que c'était vraiment un écran. C'était une façon, un déguisement. C'est une façon de dire des choses sans avoir l'air impertinente, sans avoir l'air. Parce que j'étais très jeune. Sans qu'on vous tape sur les doigts. Vous avez toujours peur de vous faire taper sur les doigts. Oui, mais oui, Madame ma voisine. C'est très curieux chez vous parce qu'il y a toujours un mélange de grand courage. Et en même temps, on sent que vous avez toujours peur qu'on vous tape sur les doigts. Oui, bien sûr. Vous avez les deux en même temps. Moi, je pense... oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais si j'essaye d'analyser ça maintenant, la chanson de toute seule, là, moi, je ne suis pas comme les autres, ça dit plein de choses en filigrane. Une chanson comme Madame, ma voisine, qui est aussi sur un rythme un petit peu désuet peut-être, c'est quand même l'histoire d'une femme qui fait l'entremetteuse. Bon, ben ça, c'est très impertinent, effectivement. C'est impertinent. Alors, vous êtes aussi dans le libertinage. Oui, Lazare et Cécile, bien que ça se passe avec des peupliers et la lune, Lazare et Cécile, c'est une histoire terrible et puis une histoire d'espoir, c'est-à-dire... Voilà. C'est une histoire... C'est un peu le monde de certaines chansons traditionnelles. Oui, sauf mais... qu'à la fin de la chanson traditionnelle, le garçon se pend et la fille se jette dans le puits. Ou pas. Et là... Oui. Non, ben voilà. Ça, ils décident qu'ils partent. Ils partent dans l'amour, ils partent dans la vie. Il y a un petit retour. Oui, une chanson qui s'appelait La quarantaine, depuis que les garces du pays m'ont mise en quarantaine. Je veux dire, c'est l'histoire d'une franche luronne qui en fait voir beaucoup. Mais bon, je pense que c'était vraiment... C'était le décor. Vous aviez peur que si vous le chantiez dans le décor de tous les jours, ça devienne graveleux. Ça passerait pas. Serait devenu graveleux. Oui, il me semble. Enfin, je le sentais en tout cas. Oui. C'est comme ça que je le vois. Je m'en fichais, moi, des sabots et de la campagne. Alors, il y a une chose qui est étonnante, c'est qu'il y a des fois la réalité... vous rattrape et vous écrivez justement ça montre bien ce côté filtre mon mari est parti sans vous rendre compte que vous avez fait une des grandes chansons contre la guerre d'Algérie. Voilà, ouais, enfin, contre la guerre en général. Mais sauf que oui, vous voyez, c'était faire des chansons contre la guerre, c'est une chose, mais faire des chansons contre la guerre, contre le pays et être en guerre et mettre une guerre coloniale, c'est autre chose. Mais oui, mais quand est-ce que vous êtes rendu compte que cette chanson était une chanson qui pouvait se tourner contre la guerre d'Algérie? Des années après. Quand j'ai rencontré des jeunes gens qui m'ont dit, mais on ne vous écoutait, on n'écoutait que ça quand on était. Moi, je ne savais pas. Et même au cabaret, on ne vous l'a pas dit? Non. Alors, je suis allée vérifier, il n'y a pas eu de pastille interdit d'écoute sur les fiches d'écoute fichiers de l'ORTF. Là-haut, je ne l'ai pas trouvé. Moi, j'ai un disque, je vous le montrerai. J'ai un 45 tours sur lequel il est marqué « à éviter ». Pas interdit d'écoute, ça aurait été trop beau. J'aurais bien voulu qu'on me censure. Non, non, mais à éviter. Et c'était le premier, c'était Porteuse d'eau. Ça n'avait rien de, quand même, très subversif. Et ça sort... on est encore en guerre quand le disque... Mais c'est celui-là. Alors, c'est celui avec les nénuphars dessus. Oui. Mon mari est parti. C'est ce 25 cm avec la si belle pochette de nénuphars qui a fait une telle carrière. Et la raison pour laquelle il y avait des nénuphars sur cette pochette, c'est que j'étais enceinte jusqu'aux oreilles et infotographiable. J'avais des taches sur la figure, c'était terrible. Et donc, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis finalement, ils ont trouvé ça et c'était magnifique, cette pochette de nénuphar. Vous avez fait un disque à une fille. Oui, oui. Mais c'était... Mais ce que j'ai trouvé par la suite... le plus injuste, ça me rendait folle, c'est que on me reprochait pendant des années, on m'a reproché, c'est ça, c'est la campagne, machin. Non. Mais quand le folk song est venu à la mode, alors là, j'en faisais pas partie. Parce que ce n'étaient pas des vraies chansons traditionnelles que vous chantez. Mais... Oh bon, mais ça fait rien, c'est pas. Mais oui, c'est vrai que. Et alors, oui, vous. Troubadour, alors c'est autre chose. Parce que j'étais très, très férue du Moyen-Âge. J'aimais beaucoup ça avant de me mettre à écrire. Bon, puis j'ai latin et ancien français, etc. Bon, j'avais beaucoup d'images du Moyen-Âge. Parce que c'est vrai que mes chansons, c'est pas... je les fais avec des images, beaucoup. Enfin, le Moyen-Âge se portait bien à l'époque. Oui. Nicole Lodier aussi donne un petit peu dans, dans, dans ce style pourpoint et... Oui, alors comme ça m'énervait quand même, ça m'énervait. Je me suis dit, je ne vais pas mettre du Moyen-Âge dans toutes mes chansons. Alors je vais mettre tout mon Moyen-Âge dans une chanson et ça a été Les Cathédrales. Voilà. Oui, il est troubadour d'ailleurs. Oui, mais donc, après ça y était. J'en ai reparlé encore dans une autre qui s'appelle Le Château de mes ancêtres. Mais ça, c'est parce que en effet, mes ancêtres bourguignons avaient été serfs autour d'un certain château, le château d'Enguerrand de Marigny, et que ce château a été dévasté, les arbres coupés, etc. Enfin bon. Donc, mon grand-père nous emmenait toujours voir ce château quand on était petit, en disant, tu vois, tes ancêtres ont labouré. Oui, parce que moi, j'étais pas princesse. J'aurais pas été princesse. J'aurais porté les seaux d'eau. Et puis, je me serais sans doute fait culbuter derrière un buisson par le châtelain, etc. Oui. Donc, ça n'aurait pas été non plus une vie terrible. J'aurais préféré être trouvert, quoi, me promener... Mais à l'époque, il aurait fallu que je sois un garçon. Non, il y a eu des femmes. Beaucoup qui se promenaient sur les routes. Mais je suis sûre que j'ai été troubadour une fois, dans une autre existence. C'était À Voix Nue avec Anne Sylvestre d'Hélène Azéra. Équipe de réalisation Alexandre Dang, Marie-France Thivault. Pour ce troisième À Voix Nue, Anne Sylvestre, Hélène Azéra, nous allons parler écriture et pourquoi pas écriture au féminin. On vous a collé une espèce de chose infâme et abominable, c'était cette étiquette de Brassens en jupon. Alors c'est vrai que depuis, on attend avec impatience le premier chanteur. Sylvestre en caleçon. On dirait Sylvestre en caleçon. Bon, maintenant j'aimerais que ce soit la dernière fois qu'on dit ça, parce que c'est vraiment ma croix ça, sur cette terre. C'est épouvantable. Bon. Croix terrible parce que c'est une croix flatteuse, parce qu'il y a quand même Brassens. Ben oui, mais on croit que c'est flatteur, mais ça ne l'est pas. Il y a Brassens, mais il y a le jupon. Puis en plus, même s'il n'y avait pas le jupon, pourquoi est-ce que 40 ans après, on vous le ressort encore. Enfin, j'ai le droit. Je veux dire que je me pose à côté de Brassens, hein, ça ne me dérange pas. Je ne me pose pas en dessous. Toute modestie mise à part. Donc, pourquoi est-ce qu'on me comparerait ? Est-ce que Brassens, on l'a comparé à quelqu'un ? Est-ce qu'on continue à comparer les autres gens à un homme, surtout ? Enfin, je suis une femme, zut. Et dans vos premières chansons, il y a un côté libertin. Votre première révolte, ça va être le libertinage. Alors, soit la Marie couche-toi là, le nom, soit d'une chose un peu plus curieuse, qui est donc cette femme qui héberge les ébats de la fille adolescente de la voisine. Madame ma voisine, oui. C'était une chose un peu choquant. Et toujours, là, c'est vrai que l'habillage paysano-rustico-élégant permet de faire passer la pilule. Éléonore aussi, Éléonore. C'est vrai que la même histoire dans HLM, ça devient scabreux. Ben voilà. Oui, ça deviendrait vilain. Éléonore aussi, c'est une prostituée, bien sûr. De village. Bon, mais de village, mais... parce que c'est comme ça. Et puis, ben, vous parliez d'anticléricalisme ou de cléricalisme ou de notions. C'est vrai que j'ai vu très vite que les sujets religieux pouvaient être drôles, quoi. C'est pas facile, les chansons pour faire rire. Il n'y a pas beaucoup de sujets qui font rire. Alors, j'ai abondamment puisé dans la religion, enfin dans l'extérieur de la religion, pour faire rire les gens, les punaises, les regrets d'une punaise, etc. Plat de prière, tout ça. En même temps, quand est-ce que vous avez commencé à vous rendre compte que le fait que vous étiez une femme, que vous écriviez vos textes, que vous composiez vos mélodies, c'était comme une sorte de revendication en soi, que vous aviez une revendication que n'avait pas un homme qui chantait ses chansons. Et ça, on va le voir dans vos chansons avec des portraits de femmes qui décident de prendre leur destin en main. Oui. Je pense que je ne l'ai pas formulé, mais ça a toujours été ça, il me semble. Que d'être, ne serait-ce que d'être une femme qui chantait, une jeune femme qui chantait, et qui continuait à chanter. Et qui composait ses textes. Qui composait ses textes et ses musiques, qui n'abandonnait pas la chanson sous prétexte qu'elle faisait des bébés, qui continuait à se débrouiller, à faire ce métier, parce que j'en ai connu pas mal, qui ont abandonné au moment où un mari leur a dit « Bah non, c'est moi ou la chanson », et puis où le bébé était là. Moi, je veux dire, peut-être que, bon, mes filles, je ne sais pas, elles l'ont quand même pas trop mal vécu. C'était déjà subversif, je suppose, d'être une femme et de durer comme ça, et de s'accrocher et de continuer. Je me suis toujours battue dans mon coin, puis tout d'un coup, je me battais plus toute seule dans mon coin. Enfin, vous étiez en amont du féminisme. Cette revendication, d'une certaine manière, vous l'aviez commencé toute seule dans votre coin. Oui, c'est ça. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Je savais pas ce que c'était. Puis je suppose que plein d'autres ont été comme moi. Puis tout d'un coup, on s'est retrouvés. Et c'était « Ah oui, tiens, c'est vrai ». Mais la chanson « Non, tu n'as pas de nom », que certains appellent la chanson sur l'avortement, ce que je trouve un peu réducteur, je l'ai écrite en 73. En même temps, vous l'avez écrite à une époque où vous êtes passée votre propre productrice. Oui. On peut parler de ce passage. Bien sûr. Comment vous avez décidé ? Ben, j'ai décidé d'être... je me suis retrouvée... je vais faire très court. J'ai été 9 ans chez Philips, puis j'ai voulu partir. On a voulu m'empêcher, on m'a fait un procès, je l'ai perdu. J'ai payé. Après ça, je suis allée ailleurs, croyant que ce serait, comme c'était un copain, croyant que ce serait très très bien. Chez Gérard Metz. Oui, voilà, ça a duré 3 ans. Après ça, il a fait des choses qui m'ont pas plu. J'ai fait un procès, je l'ai gagné, au nom du droit moral de l'auteur. J'ai fait jurisprudence, je suis bien contente. Et je me suis retrouvée, en fait, sans maison de disque, sans rien. Alors, avec quelques chansons, je continuais à écrire des chansons, dont d'ailleurs « Non, tu n'as pas de nom », dont « La lettre ouverte à Élise et quelques autres, je ne sais plus lesquelles sont là-dessus. Alors, je suis allée à la radio Suisse romande où j'ai chanté 2 chansons, dont « Un mur pour pleurer », et en direct, comme ça, avec la guitare et mon contrebassiste. Et là, ils m'ont dit, est-ce que vous nous permettez d'utiliser cette bande et de la diffuser ? J'ai dit oui, bien sûr. Puis, en France, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis passée au Théâtre des Capucines, où un Sicilien fou m'a appelé un jour en me disant « Je veux que vous fassiez un récital à Théâtre des Capucines ». J'avais pas d'engagement, j'avais rien. Ou alors on m'appelait pour me dire « Venez chanter au Liban, venez chanter je sais pas où ». Bon, quand il m'a appelé, je me suis dit « Encore un fou ». Il a tellement insisté que je dis « Bon, très bien, on va se voir ». Ok, puis je vais le décourager. Pas du tout, il est arrivé, il m'a dit « Bon, voilà, j'ai la salle du temps au temps, je veux que vous fassiez un récital ». Je dis, mais moi, je ne peux pas me permettre de perdre un sou. Il m'a dit, non, pas de problème. Alors j'avais des chansons, donc puis j'avais eu un creux quand même, un petit creux de quelques années. Je dis bon ben on y va. Et puis j'ai donc fait ce tour de chant qui a fort bien marché. J'ai dit voilà, je vais voir si les gens veulent encore, hein. S'ils viennent. J'étais un petit peu découragée quand même à l'époque. S'ils viennent, voilà, ils sont venus. Mon Sicilien allait coller les affiches la nuit. Enfin bon, c'était. Puis finalement, on a même fait de l'argent, ce qui était magnifique. Et là, j'ai été enregistrée par France Inter, je pense un soir. Ils ont enregistré la lettre ouverte à Élise. Et pareil, ils m'ont demandé, est-ce que vous permettez qu'on la passe sur les antennes? J'ai dit oui, donc cette chanson-là est passée, bon. Et à cette époque-là, mon avocat m'a dit, mais c'est pas difficile pour être producteur indépendant, il suffit d'avoir un téléphone. Et à l'époque, c'était finalement peut-être plus simple que maintenant, et en effet. Donc moi, je ne voulais plus me laisser embrigader, je voulais plus me faire trahir et imposer, par exemple, des pochettes que je ne voulais pas, ou des dates de sortie de disques que je n'avais pas choisies. Je me suis dit, bon, productrice indépendante, je peux. Si je n'avais eu que mes chansons pour adultes, là, celles que je chantais sur scène, j'aurais peut-être hésité, mais je savais que avec les Fabulettes, j'étais certaine de vendre et de gagner de l'argent et que ça pourrait soutenir mes autres disques. Donc, je me suis lancée et je suis allée voir Monsieur Barclay et puis voilà, je suis devenue productrice en 73. Et vous l'avez pas regretté ? Non, jamais. Jamais, jamais. Alors pendant assez longtemps, jusqu'à il y a 12 ans à peu près, j'étais même productrice et je faisais fabriquer, je livrais le produit fini à un distributeur. Et puis c'est devenu plus difficile parce que le marché a changé, il n'y a plus de disquaires. Et les gens qui vendent des disques ne font plus de stock, on ne pouvait plus parce que je faisais... Pour que ça coûte moins cher, je faisais mes pochettes en grosse quantité, voilà. Et puis, c'est devenu plus compliqué. Et j'ai signé un contrat qu'on appelle de licence avec une maison que j'adore, qui est EPM, hein, dirigée par François Dacla. Et puis merde. Voilà. Et ça me convient très bien. C'était vous plutôt... êtes documenté quand vous faites une chanson comme les sorcières, vous avez de la documentation? Non. Mais c'est des choses quand même que vous avez... C'est de moi que je tire ça. Non, mais je suis une éponge. J'absorbe ce qu'il y a autour et puis ça se transforme en chanson. Mais non, j'aime pas. J'ai un garçon de mon entourage qui m'a dit que la chanson Xavier lui a permis d'assumer son homosexualité dans une ville de province. Quand sa mère lui a fait écouter cette chanson, ah, c'est drôle. Il a compris qu'il pouvait vivre sa vie en étant un peu différent des autres. Et visiblement, il vous en était très reconnaissant. Oui, j'ai rencontré souvent des garçons qui m'ont dit « Oh, Xavier, ça nous a aidés ». C'est bien aussi ça, les chansons ça vous sert à ça. Vous aviez pensé à ça ou... Non. C'était une histoire que vous aviez observée autour de vous. C'était l'histoire du petit garçon d'une amie, mais lui il n'a pas, je ne pense pas, je sais, ce n'était pas ça, son histoire, mais je veux dire, c'est vrai qu'elle m'avait raconté ça un jour, que Xavier, à qui on avait retiré son ours, s'est mis à langer une petite voiture, et que là elle a compris que bon... Et ensuite, quand j'ai fait la chanson, elle était très étonnée quand même, parce qu'elle ne pensait pas. Et puis c'est son nom à lui. Il s'appelle vraiment Xavier. Je ne sais pas d'où viennent les chansons. C'est une forme. Parce que là, on a parlé beaucoup de mots. Ouais. Je ne vous ai pas parlé de vos compositions. Ouais. Et... Vous avez la chance d'être un et une des rares auteurs de chansons dont les textes peuvent se lire sans être ennuyeux, sans musique. Oui, paraît-il. Mais je crois que vous, vous aimez pas trop qu'on dissocie. Bah, ce sont des chansons, ce sont pas des poèmes. J'écris des chansons. Ça vient comment ? La musique vient avec les mots ? Oui, avec. Oui, dans la tête. Et ensuite, je la cherche pour la préciser un peu plus. C'est pas donc quelque chose qu'on colle sur autre chose. Non. Ça vient ensemble. Non, c'est pour ça que je ça vient en compact. Je suis pas très capable de mettre des musiques sur des textes des autres parce que non, j'ai la musique qui vient avec. Et il y a un rythme, il y a quelque chose. Mais à part ça, ça vient difficilement, quoi. C'est pas. Vous composez à la guitare? Non, je me méfie. Comme je suis pas bonne guitariste, hein, je risquerais de tomber dans des schémas toujours les mêmes. Donc, je m'efforce de composer dans la tête et de retrouver ensuite sur la guitare pour donner une cassette à mon cher orchestrateur François Roubert, qui était une sorte de génie. Mais c'est une curieuse chose. Bon, je suppose que tous les gens qui écrivent peuvent dire c'est une curieuse chose, l'écriture. Mais bon, c'est spécial d'écrire des chansons. C'est particulier. Surtout de les écrire aussi. Moi, je les écris pour les chanter. Avec une idée de mise en espace, oui, déjà, et de, oui, théâtralisation. Oui, oui. Ouais. Je sais comment je vais les chanter. Je sais aussi de quoi j'ai besoin pour un tour de chant, par exemple. Enfin, quand j'écris une série de chansons, les premières, bon, j'écris ce qui vient. Et puis, quand j'arrive vers les deux tiers, à peu près, là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il me manque pour cet album et qu'est-ce qu'il me manque pour mon tour de chant? J'ai besoin d'une chanson comme ci ou comme ça. Alors là, ça devient plus difficile parce que c'est vraiment de l'obliger. Mais c'est bien, c'est très... Et vous dites qu'il y a toujours une chanson qui arrive qui n'était pas prévue. Souvent, et pas toujours malheureusement, mais et souvent. Et qui vous fait plaisir. Ah oui, mais c'est ça, alors c'est pour ça que de se mettre à écrire, c'est par exemple de décider, parce que moi c'est ça, et je décide, bon maintenant je vais écrire des chansons, je m'isole, je me mets au couvent, presque, et puis... Bon, il va falloir y aller. Et c'est difficile au début, c'est quelquefois les choses que j'écris en premier, je les garde pas parce qu'il faut que la machine se remette en route. Mais je suis toujours ça m'intrigue. Je sais que ça va être dur, si je pouvais il faut que je me presque il faudrait que je m'attache à ma chaise. Sinon je m'en vais faire des courses. J'irais même jusqu'à passer l'aspirateur, ce qui est quand même un comble. Mais ça m'intrigue. Je trouve ça... je sais pas ce qui va sortir. Moi, j'ai l'impression, au moment où je commence à écrire des nouvelles chansons, j'ai l'impression que ce sont des bulles de savon, puis que si j'y touche, elles vont éclater. Alors, il va falloir les reconstituer. L'idée est là, l'idée est belle, mais il faut l'écrire. On peut pas s'étendre, il faut garder son public, il faut que ce soit précis. Ce qui est très curieux, c'est le mélange de besoin de grande sincérité, et en même temps, il y a un étalage de savoir, oui. Parce que vos chansons, c'est de l'orfèvrerie fine. Et puis c'est pas, il y a des jeux de rimes, il y a des constructions. Alors oui, vous dites, il y a deux choses là que je retiens. Je me cramponne parce que j'ai deux réponses à faire. Enfin, disons que la rime, je trouve que la rime est créatrice. Elle apporte. Souvent, quand je trouve une rime, j'ai toute la suite. C'est créateur, c'est... Ça inspire. Ah oui, oui, oui, formidablement. Et le rythme aussi, enfin, je pense à la chanson Mousse qui est sur deux pieds. Au moment où j'ai décidé d'écrire, enfin j'ai essayé d'écrire une chanson avec des vers de deux pieds, ça m'a ouvert tout un univers. Et puis, ça a fait une chanson qui est étrange. Mais vous parliez aussi de la sincérité, mais la sincérité ne fait pas de bonnes chansons. Pas forcément, non. Ah non, pas forcément. Non. Oh ben non. Parce que il y a, mais non, c'est vrai. Elle peut faire des trucs. Mais par contre, si on n'a pas la sincérité, oui, mais sur scène ça se voit. Mais le public le devine. Oui, mais la sincérité travaillée, la sincérité distanciée, et c'est ça que j'essaye parfois de faire comprendre, parce que je reçois, mon Dieu, je reçois des fois des disques que m'envoie. Tout le monde peut faire un CD maintenant, hein, dans sa cuisine. C'est vrai, hein, c'est, je suis pas sûre. Ce que j'essaye de faire comprendre parfois, quand on parle chanson, quand c'est intéressant, etc., c'est la chanson. C'est pas, je me suis levée, j'ai bu mon café, je suis allée dans la rue à la fenêtre, etc. Il faut, on peut dire ces choses-là, mais autrement, et il faut que ce soit distancié. C'est pas possible, c'est pas du direct, c'est pas du premier degré. Ça fait pas de chanson, ça. C'est pas un journal intime qu'on balance comme ça. Tout le monde ne peut pas balancer son journal intime et sur même... Internet et que ce soit génial. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a reproché, m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'écris pas une chanson d'amour directe ?» Ma façon à moi n'est pas d'écrire direct. J'ai écrit des chansons d'amour. Mais oui, direct. Ça veut dire, chanson d'amour. Et même quand, alors par exemple, on peut parler de la chanson de Michel Bernard, « Je t'aime ». Non, non, non, non, non, non, non. Bon, elle a l'air comme ça d'être... elle peut passer pour premier degré, mais elle a plein de niveaux. Et c'est merveilleux, c'est une chanson remarquable, une chanson magnifique. Alors, toujours les citations d'Anne Sylvestre. Oui. Si mon âme en partant ne peut dans ses bagages emporter la douceur d'une soirée de mai, s'il lui faut oublier qu'existèrent jamais les algues, les cailloux ramassés sur les plages, ne pourrait-elle au moins sauver quelques nuages de ceux qui couronnaient Sainte-Rose du Nord, ou bien les étendues de colza jaune d'or que Clémence à trois ans saluait au passage. Ça, c'était beau, Alexandre. C'est du Lamartine. Ouais, mais moi j'aime bien. Les Alexandrins, je suis tombée dedans quand j'étais petite, j'ai même pas besoin de compter. J'ai écrit des Alexandrins. Mais c'est pas facile à mettre en musique. Avec le balancement rime féminine, rime masculine, parce que les gens parlent beaucoup d'alexandrin en ce moment, comme si l'alexandrin c'était uniquement le vers de 12 pieds. Mais l'alexandrin, c'est aussi le passage du vers masculin au vers féminin. Oui. Et celui-là, on l'oublie. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est beau, c'est agréable à écrire. C'est... Mais mettre en musique, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que c'est lourd, parce qu'il a, des pieds d'éléphant. Parce non, que... c'est pas ça. Mais il faut soutenir. Il faut soutenir 12 pieds. Les vers de 8 pieds, c'est plus facile. Oui, c'est le plus courant. Syllable c'est et, le plus courant. Plus... 7 et 8. C'est le plus courant, mais tout. Justement, au moment où je choisis une découpe, ça va définir toute la chanson, mais ça peut être, on peut alterner 7, 5, 9, 10 pieds aussi. Ça, les décas syllabes, c'est intéressant aussi, c'est très intéressant. Mais parfois, il y a un problème auquel je me heurte, c'est quand le premier couplet est vraiment... Bon, avec plusieurs sortes de pieds, etc. Il est très bien. Il faut écrire les autres. Oui, sur la même... Et oui, et ça, c'est difficile, parfois. C'est... Oui. Ben oui, parce que la barre est très haute. En forme poétique, on appelle ça une ode. Je sais pas. Non. Des formes poétiques qu'on retrouve beaucoup à la Renaissance. Oui. Avec des chaque plusieurs, strophe ouais. Avec des vers de plusieurs pieds. Oui, mais il faut refaire la même chose après. Oui, voilà, c'est ça qui est difficile. Puis là, je suis dans une période d'incubation parce que je pense à mes prochaines chansons. Donc, je suis vraiment d'ici très peu de temps, je vais devenir infréquentable. Parce que ça me gratte. Vous enfermez? Ben je vais le faire, oui. Il va falloir. Vous mettez contre un mur? Non, je vais me retrancher. Je sais pas. Partir à la campagne? Oh non, surtout pas à la campagne. Je suis incapable d'écrire. Non, ou peut-être je vais aller à Montréal, ou alors peut-être je vais me trouver un couvent, enfin un endroit, une chartreuse. Mais c'est un moment. Très, très intriguant, très intéressant. Puis alors, j'ai retrouvé des choses parce que quelquefois, il y a des phrases comme ça. Une phrase qui est là depuis 10 ans. Ou plus. Et tout à coup, pouf, elle va fleurir. C'est un peu comme des graines qui ont hiberné. Ou hiverné, je ne sais plus ce qu'on dit pour les graines. C'est peut-être hiverné. Hiberné serait plutôt pour les bêtes. Et cette... Voilà, cette phrase-là, ou ce couplet-là, tout à coup, va prendre son sens. Alors que jusque-là, c'était simplement... Une phrase mystérieuse. Oui, mais des phrases... mais bon, sinon, qu'est-ce que... Il y a des... Quelquefois... Ah, oui. Une fois, il y a eu un couplet comme ça. Un refrain. Un refrain qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'était « On n'est pas tout neuf, on a son barda, on a ses impedimenta, on n'est pas tout neuf, on est tous des ex, on est tous plus ou moins duplex. » J'avais ça. Et en fait, toute la chanson était là-dedans. Et j'ai eu un mal de chien à écrire autour. Quelquefois, c'est... Curieusement, dans la chanson traditionnelle, il y a des fois, il y a des chansons qui n'ont pas plus long que ça. Oui. Oui. C'est la fille de la meunière qui dansait avec les gars, son jupon ne tenait guère, son jupon ne tenait pas. Oui. Et on peut danser pendant des heures là-dessus. Oui, oui. Moi, j'aime pas répéter. Non, mais. Oui, mais dans. Vous pouvez nous expliquer comment ça allait d'une phrase à une chanson sur des exemples du passé? Bah, par exemple, la chanson que vous avez citée tout à l'heure, Si mon âme en partant, après. Le couplet, il y a « Je mourrai à regret ». Et ça, je le traînais depuis des années. « Je mourrai à regret ». Avec un hiatus. Et tant pis pour le hiatus. Oui. Oui, parce que le premier qui va le dire avec un S, il prendra ma main sur la figure. L'inculture. Enfin bon, allez, on arrête. C'est un futur, messieurs, dames. C'était À voix nue avec Anne Sylvestre d'Hélène Azéra. Équipe de réalisation, Alexandre Dang, Marie-France Thivaud. Ces trois premiers volets d'À voix nue ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 30 et 31 décembre 2002 et le 1er janvier 2003. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, suite et fin de cette série d'À voix nue. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. La belle que voilà ira les ramasser, mais les lauriers du bois les lairons nous couper. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Donc chacune à son tour ira les ramasser. Si la cigale y dort, ne faut pas la blesser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Le chant du rossignol viendra la réveiller, et aussi la fauvette avec son doux gosier. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Jeanne la bergère avec son blanc panier, allant cueillir la fraise et la fleur des glantiers. Entrez dans la danse, voyez. voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Cigale, ma cigale, allons, il faut chanter. Car les lauriers du bois sont déjà repoussés. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez.